Exercice 2, page 115. A. Il l'a loué. B. Il a des papiers en main. C. Est-ce qu'il est né? D. C'est un choix difficile. E. On va jusqu'au bois? F. Il n'a plus de sous.